CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça. Cette semaine, au Mathieu Plantchot. Dans Television, une bouteille d'eau en plastique sur des photos de Downton Abbey qui se passent en 1910. La bouteille dérange tellement que les gens ont pas remarqué que les photos sont toutes des selfies avec des duck faces. Dans le segment Geek Scénic, sur le chiffre de montage vidéo automatique pour remplacer l'humain. Il pourrait remplacer les gens qui font le doublage des téléréalités à Canal+, ça paraîtrait pas partout. Et dans Merci Science, une équation pour prédire le bonheur. Au Mathieu Plantchot avec Mathieu Plante tout de suite. Et voici celui qu'on a voulu remplacer par un robot, mais le robot voulait pas. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, le segment Geek Scénix, le survol du net dans What Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique des sciences et technologies, la Merci Science. On va aussi continuer notre série musicale qu'on adore, Super Mario 64, Portrait of a Plumber, qui rend hommage à la musique de Super Mario 64. Dans quelques minutes, on va débuter comme on le fait à chaque semaine avec Television, mais avant ça, on se doit d'écouter un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et aujourd'hui, ben, on commence avec une chanson de Carf Darko. Ouais, ça s'appelle Dark and Darko Theme. C'est court, c'est rapide, c'est intense. On va suivre plein de choses aussi. Carf Darko et la pièce Dark and Darko Theme. Maintenant, parlons de télévision dans Television. C'est Television où on parle bien sûr de nouvelles télévisuelles et commençons au Québec avec, peut-être que vous l'avez vu passer, si vous ne l'avez pas vu passer, je trouve que c'est une bonne cause, donc j'en parle, c'est de même que ça se passe, c'est moi qui décide. Simon Olivier Fecteau, qui avait cessé d'écrire et de réaliser des capsules en audition avec Simon en 2012, a décidé d'en pondre une nouvelle, le 54e épisode de la série, et pourquoi? Ben, une demande bien spéciale de Benoît Cliche, un comédien. Le jeune homme trentenaire a reçu il y a 2 ans un triste diagnostic de cancer au cerveau, désirant réaliser l'un de ses rêves, il a contacté Fecteau pour lui demander de participer à l'une de ses capsules, qui a été fait. On peut visionner l'épisode sur YouTube et je pense que, étant donné la cause, malgré les copyrights de Radio Canada, on va écouter la capsule dans l'audition avec Simon. Je vais faire une petite narration. Donc, en 2012, Benoît Cliche, comédien, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau, puisque c'est dit dans la vidéo. Et il a contacté Simon Olivier Fecteau pour accomplir un rêve. C'est pas mal la même chose. Hein? Jouer en audition avec Simon. Ouais. C'est la même intro qu'à l'époque. Bon, Benoît, fait que Tu l'aimes pas? Ben, en fait, c'est parce que, bon, c'est ça. J'ai déjà parlé avec mon agent. Il m'a dit que mon audition avait très bien été. Pour vrai, t'étais super bon en audition, c'était parfait. Mais j'ai pas eu le rôle. Ouais, écoute, non. Ben non. Mais pourquoi? Je pense que c'est un problème d'horaire. Mais regarde, en ce moment, j'ai le temps en masse. C'est un super beau personnage. Toi, Benoît, le truc sur le bord de... Ok, ça, là? Tu penses qu'il y a une tumeur, hein, c'est ça? Oui, une tumeur cancéreuse. Ils ont travaillé, mais ils peuvent plus vraiment rien faire. Mais c'est ça, c'est parce que nous autres, crime, on tourne l'été prochain. OK. Non, mais pas l'été comme là. L'été dans un an, fait que tu sais, c'est loin, là. Fait que je peux pas vraiment tourner si t'es pas... Si je sais pas quoi. Ben, si t'es pas ici, pas là, pas parmi nous. Fait que moi, j'étais le meilleur pour le rôle, mais tu me discrimines parce que je vais mourir. Écoute, Benoît, ce qu'Étienne essaie de dire, c'est juste que, mettons qu'on tourne ensemble l'été prochain, jusqu'au bout, puis qu'après, je te perds pour la promo. Ça marche pas non plus, hein. Pleure pas. Pleure pas. Fait que ça, c'est de l'acting. Mais c'était mieux prendre quelqu'un qui est en santé, rendu-là. C'est pas facile pour personne ce que tu vis. T'sais, c'est pas plus facile pour moi que pour toi. C'est quoi, Benoît? Fuck off. Gars, c'est beau. OK, gars, c'est beau. Je pense que j'ai le goût du risque, là. Le rôle, c'est à toi. Bravo. Ben, merci. Merci beaucoup. Et toi aussi, vous serez pas déçus. Tu seras pas déçu, mais... Merci. Fait que je t'ai trouvé un backup. Ah, donner à la Société canadienne du cancer sur cancer.ca. C'était une nouvelle capsule dans l'audition avec Simon, évidemment, sans aucune permission de diffusion, avec Benoît Cliche, Simon-Olivier Fecteau et Étienne Depassier, bien sûr. Retrouvez-la sur assemblagerequis.com. Le lien est là avec tout le reste. C'était donc notre petite nouvelle du Québec, mettons... si on veut. Il y en a une autre. Celle d'Herbie Moreau, qui devient le visage de Bell Media. Le journaliste culturel Herbie Moreau signe un contrat de 5 ans avec Bell Media pour qui il agira à titre de directeur de création et de curation des contenus. Avec la fin de son émission District V, hein, V qui a mis la clé dans la porte, dans la poignée, dans bien des émissions. Il y a quelques semaines, il se sera finalement écoulé bien peu de temps avant qu'Herbie Moreau ne se retrouve un tout autre mandat avec une autre équipe. C'est finalement dans les rangs de Bell Media que le spécialiste des tapis rouges va poursuivre sa passion. Herbie sera le directeur de création des contenus pour le site envedette.ca sur lequel il produira un billet quotidien ainsi que des capsules et des reportages vidéo. Les différentes entrevues et capsules vont être diffusées à tout près de radios que vous connaissez et à Canal V, il va y avoir des documentaires de sa part. Donc, d'après moi, il va devenir beaucoup plus mainstream. En fait, il était déjà très, très mainstream, je trouvais Hervé. Il va passer à un niveau supérieur de Kittenery. On va au Canada anglais maintenant où Kevin O'Leary quitte CBC pour aller à CTV. C'est quand même assez majeur comme histoire. Donc, l'homme d'affaires Kevin O'Leary quitte son poste de co-animateur à l'émission de télévision The Lang and O'Leary Exchange sur les ondes de CBC pour passer du côté du grand rival CTV. Après 8 ans avec le diffuseur public, M. O'Leary a indiqué qu'il désirait disposer d'une plateforme plus vaste pour diffuser son message d'appui au capitalisme et au libre marché. L'animateur doit débuter officiellement son nouvel emploi le 1er septembre et effectuera des passages fréquents à diverses émissions de CTV telles que Canada AM, E-Talk, The Marilyn Dennis Show et The Social. Il sera également commentateur sur BNN, qui est une chaîne financière, donc sur l'économie de Bell Media, ainsi qu'aux stations de radio CJAD, 800 à Montréal, 580 CFRA et Newstalk 1010. Monsieur O'Leary avait décidé de se joindre en 2009 à sa co-animatrice de longue date de la chaîne BNN, Amanda Lang, pour une nouvelle émission à la CBC. Le duo débattait des sujets de l'heure dans le secteur des affaires et de l'économie. On dit que Mme Lang était pas mal tout le temps à l'opposé dans les opinions que M. O'Leary. Donc, ce dernier s'était fait connaître en tant qu'investisseur et homme d'affaires avant de devenir une célébrité du petit écran. Plus tôt cette année, il avait fait savoir qu'il quittait l'émission Dragon's Den de la CBC pour mieux se concentrer sur son rôle dans la version américaine de l'émission, donc Shark Tank sur ABC, qui est aussi diffusée au Canada sur CTV. C'est le truc d'invention là, à la télé. Ses remarques durant The Lang and O'Leary Exchange ont parfois fait bondir des téléspectateurs, comme lorsqu'il a qualifié de fantastique les conclusions d'un rapport d'Oxfam affirmant que les 85 personnes les plus riches de la planète possédaient autant d'avoir que les 3,5 milliards de plus pauvres gens. Aux yeux de ce capitaliste invétéré, toutefois, le diffuseur public constitue un trésor national. Donc, il remercie évidemment CBC. Le réseau qui a ajouté que Mme Lang prendrait la tête d'une toute nouvelle émission à saveur économique qui remplacera la précédente dès cet automne. Le dérivé de Breaking Bad, Le Chimiste, intitulé Better Call Saul, débutera en février sur les ondes de AMC. Le réseau a récemment diffusé un clip qui montre l'avocat véreux Saul Goodman, joué par Bob Odenkirk, plaidant l'importance de toujours avoir un avocat. Après le clip, le mot février apparaît à l'écran. Je ne peux même pas jouer la publicité, c'est vraiment juste ça. Les avocats, les avocats, c'est comme les assurances, espèrent ne pas en avoir besoin, mais de ne pas en avoir pantoute, wow, oublie ça. Genre, c'est à peu près la phrase qu'il dit. AMC avait auparavant annoncé que le premier épisode de la série serait diffusé en novembre. Donc là, c'est ça recule au mois de février. Ben, ça avance. La série suivra M. Maître Goodman alors qu'il défendra des barons de la drogue, de petits brigands et des gens blessés dans des accidents mineurs de la route. Dans Breaking Bad, Maître Goodman était l'avocat du trafiquant de drogue Walter White, incarné par Bryan Cranston. Et le bureau du cinéma du Nouveau-Mexique a indiqué en mai que la série Better Call Saul serait tournée à Albuquerque, où se déroulait aussi Breaking Bad. Ça, c'est au Nouveau-Mexique. Ça, c'est un article de l'Associated Press. On reste aux États-Unis, où une série télé sur Resident Evil serait en chantier. Donc, le Survival Horror pourrait prochainement faire l'objet d'une série télévisée baptisée Arklay, en référence aux montagnes ceinturant la petite ville de Raccoon City et au cœur desquelles est niché le fameux manoir Spencer. Celle-ci n'en est pour l'heure qu'au stade de projet, on parle de la série. Écrite par Sean Christopher Lebert, dont il s'agira de la première réalisation dans le genre, la série sera mise sur les rails par la société de production Mans Media. Si on va voir sur son site internet à cette société-là, on voit que les moyens et les ambitions sont souvent très très bas. Donc on dit dans l'article de jeuxvideo.fr, il n'y a pas de quoi espérer du HBO ou du AMC. D'ailleurs, c'est ce qui est bizarre, dans la bande-annonce, le pitch, comme on dit, le demo reel, n'est pas inintéressant, nous dit l'article, mais c'est que on s'inspire de d'autres séries. En fait, on prend des extraits d'autres séries. Par exemple, True Detective, le film Seven, Hannibal. Donc, c'est un petit montage de séquences empruntées à d'autres productions pour nous montrer de quoi on aimerait que ça ait l'air. Mais on ne sait pas avec les budgets qu'ils vont avoir, s'ils vont pouvoir se permettre de faire ça. Donc, le résumé qu'on dit est relativement éloigné de l'histoire d'origine. Je cite... Quand le détective James Reinhardt se voit confier une enquête sur une série de meurtres étranges, il découvre que la ville cache une sombre conspiration. Alors qu'il apprend qu'un virus meurtrier est au cœur de l'affaire, Reinhardt découvre dans le même temps que ce dernier l'a déjà infecté. Le temps jouant contre lui, il doit alors faire toute la lumière sur la conspiration pour sauver sa propre vie. La série est annoncée pour l'an prochain. Comme je disais, le petit montage est disponible sur assemblagerequis.com. On s'en va un petit peu à l'international, en fait en Grande-Bretagne, pour aller voir une photo promotionnelle à la radio de Downton Abbey. Donc on a fait un shooting photo qui ça fait jaser Internet pas mal, mais pas de la façon que les producteurs ou les créateurs l'espéraient. Les producteurs ont sorti une série de photos promotionnelles sur le Facebook et Instagram de l'émission, donc les Facebook et Instagram officiels. Dessus, on voit Richard E. Grant qui reprend son rôle de Simon Bricker, donc Tom Cullen qui joue Tony Gillingham, et il y a aussi une photo de Hugh Bonneville et Laura Carmichael qui jouent le Earl of Grantham et Lady Edith Crawley. Voilà, ils ont sûrement des noms en français un petit peu plus appropriés, mais on les voit devant un foyer. Et je ne sais pas s'il y a une question de voyage dans le temps, dans Downton Abbey saison 5, mais on voit une bouteille d'eau de plastique clairement du présent 2014 en haut à droite de la photo sur le bord du foyer. Les gens en parlent sans cesse, n'arrêtent pas de se reposter la photo. On poursuit avec un autre article qui se nomme Water Bottle Gate. Hein? Et l'équipe prend ça en riant. Donc, les créateurs et la distribution ont ri de tout ça en prenant des photos avec des bouteilles d'eau dans leurs mains pour une bonne cause. Hein. Donc, Downton Abbey, la distribution, maintenant ramasse de l'argent pour la charité là, de bienfaisance Water Aid. C'est cool. Donc, ils espèrent qu'en posant pour cette photo-là avec chacun une bouteille d'eau à la main, ils vont pouvoir amener donc des gens vers cette cause-là. WaterAid. On dit que chaque livre, donc l'argent, chaque livre et chaque cent que WaterAid reçoit va être doublé par le gouvernement du Royaume-Uni. Ouais, c'est super. Parlons de code d'écoute maintenant au Québec. Position 15 à 6 en rafale. Gala Juste pour rire 2013. Dimanche à Hollywood. TVA Nouvelle. La petite section. Vengeance. Film de filles. Ciné-comédie. Chicago Fire. Sucré salé et Juste pour rire. En cinquième, Tranche de vie. En quatrième, Roue de fortune chez vous. En troisième, TVA Nouvelle 18h à TVA. En deuxième, LOL à TVA. Et en première place, c'est les chefs à Radio-Canada. Côté anglais, anglophone du Canada maintenant. 15 à 6 en rafale, Big Bang Theory, Unforgettable, Les Nouvelles sur CTV, Hotel Hell, America's Got Talent, Rookie Blue, Big Brother, Big Brother, Big Bang Theory et Big Brother. En cinquième, c'est Extant sur Global. En quatrième, CTV Evening News. En troisième, Under the Dome sur Global. En deuxième, MasterChef sur CTV. Et en première place, c'est The Amazing Race Canada sur CTV les mardis soirs. Tiens, je crois que j'avais aussi les codes d'écoute américaines. Je crois que c'est pas mal la première fois que je le fais. J'ai pas encore vu la page, mais top 5, donc 5e place. Big Brother du dimanche sur CBS. En 4e, America's Got Talent du mardi sur NBC. En 3e, encore America's Got Talent, mais du mercredi sur NBC. En 2e, Big Brother du jeudi sur CBS. Et en première place, c'est aussi Big Brother, mais du mercredi. Voilà pour les codes d'écoute américaines. Je pense que c'est quand même assez pertinent. Si on parlera pas juste du Québec, mais en fait, c'est ça, je sais qu'il y a bien des nouvelles de plus que ça au Québec. J'en parle pas parce que ça va être dans le séjour et le TV ado. Il y a un petit peu plus ailleurs que ça, malgré que Simon-Olivier Fecteau, c'était sûrement assez populaire en ce moment. Donc voilà pour Television, les liens sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, ce sera Merci Science. Mais avant ça, une autre chanson de Chiptune. On s'en va entendre. Hard Style Fox, voici Scary Monsters tout de suite au 89 FM. C'est Mathieu Plante, show! We'll be right back. Hardstyle Fox et Scary Monsters and Nice Sprites et Zenko Money Remix. C'est le titre au complet de cette pièce de Hardstyle Fox. Au Mathieu Planchot maintenant. Remercions la science dans Merci Science. C'est Merci Science, où on parle de science, de technologie, de médecine, de trucs qui se rattachent à ça. Commençons avec une équation pour prédire le bonheur. Des chercheurs ont construit une équation mathématique susceptible de prédire le bonheur. D'après leurs travaux, celui-ci ne dépendrait pas seulement des événements récents de la vie, mais aussi du fait qu'il soit plus favorable que prévu. Le bonheur est un concept difficile à définir et la question intéresse aussi bien les philosophes que les scientifiques, nous dit Futura Science. De manière générale, on peut dire qu'il est influencé par les circonstances de la vie et les caractéristiques d'une population comme sa richesse. Mais qu'est-ce qui influence le bonheur à un moment donné? Des chercheurs de la University College London ont voulu mieux comprendre comment l'accumulation d'événements positifs ou négatifs pouvait influencer le sentiment d'être heureux à un moment précis. Dans un article paru dans les PNAS, les scientifiques décrivent les expériences qu'ils ont menées sur 26 personnes âgées de 20 à 40 ans. Dans le protocole utilisé, les participants devaient choisir entre deux options, l'une sûre et l'autre risquée, un jeu où on avait autant de chances de gagner que de perdre de l'argent. Régulièrement, au cours de l'expérience, les participants devaient dire s'ils se sentaient heureux. Les chercheurs ont alors trouvé que le bonheur à un instant donné dépendait des récompenses reçues récemment. Celles reçues plus de 10 tours auparavant avaient peu d'effet. Mais ils ont aussi constaté que les attentes des participants avaient une incidence. Les attentes étaient importantes pour déterminer le bonheur. Par exemple, le fait de ne rien gagner diminuait le bonheur si l'autre option était de gagner 2 livres sterling, mais l'augmentait si l'autre était de perdre la même somme. De faibles attentes augmentent la probabilité qu'un résultat dépasse ses attentes. À partir de ces données, les chercheurs ont construit une équation mathématique dans laquelle le bonheur exprimé par les participants est relié aux récompenses reçues récemment et aux attentes. Cette équation devait donc prédire comment les gens se déclaraient être heureux. Pour valider leur modèle, ils ont appliqué ce modèle-là à 18 420 personnes dans le monde entier grâce à un jeu pour téléphone portable. Dans ce contexte, l'équation pouvait prédire l'état de bonheur des participants lorsqu'ils jouaient sur leur terminal malgré qu'ils ne gagnaient que des points et non de l'argent. De plus, lors de l'expérience initiale en laboratoire, l'activité neuronale a été mesurée chez les participants grâce à une IRM fonctionnelle qui s'est intéressée à une aire cérébrale particulière, qu'on appelle le striatum. En effet, celui-ci possède beaucoup de neurones à dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense. D'après les résultats obtenus, la dopamine jouait un rôle pour déterminer le bonheur ressenti. Ces travaux pourraient trouver des applications médicales. Le fait de prédire mathématiquement des états subjectifs comme le bonheur peut aider les médecins à mieux comprendre et traiter les troubles de l'humeur. Génial. Une équipe de chercheurs de l'Université de Stanford a développé une nouvelle technique non évasive pour visualiser et étudier la circulation sanguine dans le cerveau. Pour ce faire, elle utilise des nanotubes de carbone injectés dans le sang qui peuvent devenir fluorescents sous l'action de la lumière laser dans le proche infrarouge. Cela pourrait conduire à mieux comprendre les origines des AVC, peut-être même l'Alzheimer. Le vieillissement de la population d'une partie de la planète étant en train de poser des problèmes de santé publique avec des répercussions économiques de plus en plus importantes, les vannes financières s'ouvrent désormais pour irriguer les recherches sur le cerveau, comme le montre l'exemple du Human Brain Project. L'imagerie médicale est l'un des outils les plus importants pour explorer le cerveau. On cherche donc à le perfectionner. Une publication récente dans Nature Photonics par des chercheurs de l'Université de Stanford aux États-Unis est un bon exemple de cette stratégie. Les chercheurs voulaient obtenir des détails sur la circulation du sang dans un cerveau in vivo plus fin que ce que fournissent le scanner et l'IRM. Des informations importantes, par exemple, pour comprendre ce qui est à l'origine des AVC ou de la maladie d'Alzheimer, se trouvent peut-être au niveau des vaisseaux sanguins individuels et des groupes de neurones. Mais pour faire de l'imagerie à ce niveau de résolution, on en était rendu jusqu'ici à ouvrir la boîte crânienne du cobaye pour avoir accès directement aux cellules du cerveau. Les inconvénients avec cette approche-là sont multiples, sans parler des objections éthiques liées à la vivisection. L'opération et l'expérience sont évidemment des traumatismes pour un animal et perturbent donc le fonctionnement du cerveau. Les chercheurs américains ont donc eu recours à une nouvelle stratégie non invasive. Ils ont décidé d'utiliser ce qu'on appelle la nanotechnologie, à savoir des nanotubes de carbone injectés en solution avec de l'eau. Ces nanotubes ont été fabriqués afin d'avoir des propriétés bien spécifiques, être biocompatibles et sans danger pour l'organisme bien sûr, mais surtout être capables de devenir fluorescents lorsqu'ils sont plongés dans un bain de rayonnement dans le proche infrarouge. Ce type de rayonnement peut en effet traverser la peau, de sorte qu'il est possible de voir, par exemple, des vaisseaux sanguins par transparence. Cette technique d'imagerie dans le proche infrarouge n'est pas tout à fait nouvelle. Dans le cas présent, on peut voir ce qui se passe environ 3 mm sous le cuir chevelu à l'échelle des vaisseaux capillaires. dont certains ont seulement quelques microns de diamètre, minuscule. Il ne semble pas y avoir d'effet secondaire sur les cobayes, mais qu'en sera-t-il avec un cerveau humain? On se le demande. Avant de répondre à cette question, il faut que la technique soit perfectionnée de façon à ce qu'elle descende plus en profondeur à l'intérieur du système nerveux central. En cas de succès, elle permettra peut-être de démontrer quelques hypothèses qui font jouer un rôle à des modifications fines du flux sanguin dans certaines parties du cerveau dans l'apparition de maladies comme celle d'Alzheimer et de Parkinson. On pourrait aussi ajouter des biomarqueurs à certains neurones, c'est masculin, à étudier directement leur activité spécifique, ce qui pourrait nous en apprendre beaucoup plus sur son fonctionnement. Des souris devenues entièrement transparentes. On reste un peu dans le même domaine de transparence fluorescence. Des chercheurs américains ont mis au point une technique permettant de rendre les souris de laboratoire transparentes. Cerveau, poumon, estomac et rein, l'ensemble des organes peuvent alors être visualisés en trois dimensions à l'intérieur même du corps du sujet d'étude. Donc vraiment 100% transparent. Appelé Clarity, le nouveau procédé qui consiste à rendre transparente une souris dans sa totalité a pour finalité de permettre la cartographie détaillée du système nerveux de l'animal. Il facilitera ainsi la compréhension du fonctionnement du cerveau et de son interaction avec le reste du corps, en vue notamment d'étudier la diffusion de cancers ou d'améliorer les traitements contre les douleurs chroniques. C'est ce que disent les auteurs dans la revue Cell. Donc pour Viviana Gradinaru, chercheuse à l'Institut de technologie de Californie aux États-Unis et co-auteur de l'article, il s'agit d'une première. De précédentes expérimentations avaient permis de rendre transparent des cerveaux ou des embryons, mais aucune, à sa connaissance, n'avait jusqu'alors pu s'appliquer à la totalité d'un rongeur adulte. La méthode repose sur un gel aqueux contenant des détergents permettant d'éliminer rapidement les lipides, c'est-à-dire les molécules de graisse. Ces dernières lessivées, la lumière peut alors traverser les tissus et rendre tous les organes visibles après 2 semaines. Pour ne pas endommager le corps de l'animal, le mélange est injecté par voie sanguine une fois le muridé euthanasié. Une technique complémentaire de stockage et d'imagerie d'échantillons de tissus offre la possibilité d'examiner les connexions intercellulaires, les structures de cellules et les molécules qu'elles contiennent, tout en recourant à des techniques standards de génétique et de biologie moléculaire, garantissent les auteurs. Selon eux, ces protocoles simples qui emploient des réactifs et des équipements disponibles et rentables faciliteront les recherches à l'échelle subcellulaire de grands échantillons de tissus organiques. Est-ce qu'on peut prévenir la cyberintimidation et pourrait y avoir une application pour ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la science? Vous allez voir. Le projet d'une adolescente américaine de 13 ans qui a conçu un outil incitant un utilisateur à réfléchir à deux fois avant de publier des propos blessants vient d'être accepté à la Google Science Fair 2014. La science derrière l'outil en question, nous dit Branchez-vous, on va recommencer ce paragraphe-là. Okay. La science derrière l'outil en question mise au point par Trisha Prabhu est intéressante, nous dit Branchez-vous. Voilà. Les adolescents sont généralement impulsifs en raison de la structure de leur cerveau et par conséquent plus susceptibles d'envoyer des messages méchants sans réfléchir aux conséquences. En effet, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la maîtrise de soi, n'est pas pleinement développé avant l'âge de 25 ans. Sa théorie, à Mme Prabhu, est que si les adolescents sont contraints à prendre un moment de réflexion avant de publier un commentaire désobligeant, ils ne passeront pas à l'acte. Car s'il existe déjà des moyens pour limiter les dégâts liés au cyberharcèlement, ils ne peuvent qu'être appliqués que lorsqu'il est trop tard. Cette idée-là donc a été sélectionnée pour faire partie de la Google Science Fair 2014, un concours visant à promouvoir les meilleures inventions d'adolescents du monde entier. Afin de tester sa théorie, Madame Trisha Prabhu, voilà, a fait subir un examen aux élèves de son école et de l'école voisine. Un premier groupe de 150 personnes âgées de 12 à 18 ans ont participé à 5 séances de test témoin où l'on présentait à l'utilisateur une série de messages aux propos offensants. Les participants devaient répondre si oui ou non ils publieraient un tel message sur un réseau social. Dans 70% des cas, les adolescents de ce groupe ont répondu par l'affirmative, donc oui. Un second groupe de 150 personnes également âgées de 12 à 18 ans ont participé en parallèle à 5 séances du test Rethink. Les participants devaient répondre à la même question et ceux qui ont répondu par l'affirmative ont vu apparaître le message « Ce commentaire peut blesser. Veux-tu prendre le temps de réfléchir et de te demander si tu voudrais vraiment l'envoyer ?» après chaque réponse. Le résultat est impressionnant. En demandant aux participants de revenir sur leur décision, seulement 4,67% d'entre eux ont maintenu leur méchanceté. Prabhu souhaite voir son projet être adopté par une majorité de réseaux sociaux afin d'y réduire le nombre de messages haineux ou blessants pouvant conduire à la cyber-intimidation. L'idée est bonne. C'est sûr qu'il faisait partie d'une étude, donc peut-être qu'il se doutait de ce qu'il devait faire après une question comme celle-là. Je sais pas si les résultats sont vraiment tout à fait fiables. Le pouvoir adhérent des pattes de gecko est modélisé. L'effet ventouse des geckos sur les murs repose principalement sur le pouvoir des soies dont sont pourvus ces petits reptiles. Les physiciens l'expliquent au travers d'un modèle mathématique qu'ils ont élaboré. Ces découvertes pourront servir à diverses applications dans la biomimétique et dans la robotique. Dans un article paru dans le Journal of Applied Physics, des chercheurs exposent un modèle mathématique qui révèle comment les forces agissent sur un gecko en train de grimper une surface verticale et l'angle des soies de ses pattes interagissant pour créer un système d'adhésion délicat mais puissant. On savait déjà que les électrons des molécules des micropoils des soies des geckos interféraient avec ceux des parois pour créer une attraction électromagnétique. Dans cette étude, les physiciens se sont intéressés à leurs autres propriétés. D'après les résultats, au contact d'une surface, les soies, qui sont les poils minuscules au-dessous des pattes du gecko, ne forment pas un angle à 90 degrés avec les orteils, mais se ramifient en angle oblique. Puis, plus ils s'orientent parallèlement à la surface de la patte de l'animal, plus l'aire d'adhésion augmente et davantage de poids le reptile peut supporter. En outre, la flexibilité... Jamais est-ce que j'utilise ça à l'oral, moi, en outre. La flexibilité et l'extensibilité des soies aident à rediriger l'énergie accumulée lors des sauts de changement soudain de direction ou de course. Le système permet aux geckos de coller et de décoller leurs pattes si rapidement qu'ils peuvent se précipiter en une seconde à des distances équivalentes à 20 longueurs de corps. Ils peuvent également évoluer sur pratiquement tout type de surface et dans tous les angles, hormis les plus humides, où leur adhérence s'affaiblit et sur lesquels ils risquent de glisser. Alex Greeny et ses collègues souhaitent à présent poursuivre leurs travaux sur le rôle que joue la friction. Leurs résultats actuels seront exploités pour le développement de matériaux biomimétiques, en particulier dans l'élaboration d'un robot gecko. Magnifique. Voilà pour Merci Science. Tout à l'heure, le bloc segment Geek CNX, bien sûr, avec entre autres un petit retour sur une nouvelle dont on a parlé la semaine passée. On va aussi parler de Disney et de montage vidéo, de robots médecins et de robots qui cuisinent votre repas. C'est dans CNX dans quelques instants, mais avant ça, une pièce chiptune. On s'en va entendre Billy Sowers. Voici Our Victory. On m'a plein de choses sur ces fous. We'll be right back. retour de Segment Geek Cynix au Mathieu Planchois, c'est fou. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, c'est CNX, c'est tout à fait vrai, mais avant ça, une petite chanson chiptune à deviner. Ce coup-ci, tu sais, des fois, je vous présente une petite chanson en vous disant pas ce que c'est. Vous devez deviner, hein, c'est ça? Donc, voici l'artiste qui vous dira rien parce que c'est l'artiste qui a fait la version chiptune. C'est Duck Boy, tout de suite. Ça, c'est fou. La réponse après. Duck Boy! Et la réponse, évidemment, c'est une chanson de Daft Punk, Get Lucky. Duck Boy Remix. Soundcloud.com/Duck Boy pour ceux qui veulent télécharger plus de musique de sa part. Ça nous amène à parler de technologie. Voici le segment Geek CNX. CNX, où on fait un petit survol des nouvelles technologiques des 7 derniers jours. Commençons par une nouvelle dont on a parlé un petit peu la semaine passée dans le segment WoW at Web. Je vous avais montré à la radio une vidéo qui suivait quelqu'un, dans le fond, quelqu'un qui a pris avec une GoPro une vidéo, puis ça remettait ça tout droit, puis ça avait l'air d'être fait comme dans un film. Et bien, finalement, j'avais complètement sauté par-dessus le fait que c'est Microsoft qui a inventé cette technologie-là. Donc, ce nouvel algorithme développé par Microsoft Research, on retrouve, on sait, des milliers de séquences vidéo provenant de caméras GoPro sur YouTube. Elles sont toutes chaotiques. Ça saute tout le temps parce que c'est fait pour suivre ton mouvement sur ta tête, par exemple. Donc, Microsoft s'est donné pour mandat d'améliorer celle-ci en développant un nouvel algorithme qui a pour effet de stabiliser et d'accélérer l'image. On appelle ça de l'hyperlapse, c'est une référence au timelapse. Il existe déjà des logiciels comme After Effects d'Adobe pour... avoir des outils qui permettent de stabiliser des images, des vidéos. Cependant, selon Microsoft, une vidéo en vision subjective, donc prise à même la tête d'une personne, présente un taux d'accélération élevé et ça se prête mal à ce type de traitement par After Effects, entre autres. Le nouvel algorithme présenté par l'entreprise vient pallier ce problème en analysant la trajectoire réelle de la caméra afin de la reconstruire dans un environnement en trois dimensions. Une fois cette analyse complétée, le logiciel calcule la trajectoire idéale pour reproduire une version fluide de la vidéo, puis recadre les images en prenant en considération la profondeur du parcours. L'algorithme dévoilé par Microsoft Research n'est toujours pas pour l'instant qu'un projet de recherche. En fait, n'est toujours pour l'instant qu'un projet de recherche, oui. L'entreprise souhaite éventuellement inclure l'algorithme dans une application pour Windows qui pourrait voir le jour bientôt. L'article vient de branchezvous.com. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est vraiment impressionnant pour vrai, on dirait un film. Il y a quelques petits problèmes une fois de temps en temps. Mais c'est le début d'une technologie, c'est normal. Maintenant, on reste dans le montage vidéo avec un logiciel de montage automatique pour remplacer l'humain chez Disney. Le laboratoire Disney Research vient de dévoiler un logiciel de montage actuellement en développement qui permet de combiner automatiquement les images filmées dans un même contexte par différentes caméras dans le but de créer une vidéo cohérente. Lorsque les vidéastes amateurs ou non réalisent un montage vidéo, ils sont la plupart du temps à la recherche d'une cohérence dans le résultat final. Néanmoins, faire du montage vidéo demande certaines connaissances et le respect de certaines règles pas toujours évidentes pour les amateurs. Le logiciel actuellement développé par Disney Research pourrait aider le monde dans un tel contexte puisqu'il propose de réaliser automatiquement le montage via plusieurs flux vidéo en tentant de penser comme un être humain. Dans une étude nommée « Modification automatique des enregistrements de plusieurs caméras sociales », l'équipe de chercheurs dévoile son projet. Le logiciel est capable de reconnaître au sein de vidéos issues de plusieurs caméras filmant la même scène les éléments sur lesquels les personnes qui filment se sont focalisées pour cerner le principal sujet de leur vidéo. L'outil réalise ensuite une sorte de carte en 3D pour situer les différents éléments dans l'espace et constituer à partir de là un montage cohérent. L'algorithme du logiciel est également capable d'identifier quel flux vidéo dispose de la meilleure vue sur le sujet et ainsi le prioriser au moment voulu tout en respectant les règles de base du montage. Si les chercheurs admettent que la vidéo obtenue ne peut pas atteindre la même complexité narrative que ce que pourrait réaliser un vrai monteur, ils assurent que leur système peut saisir l'essentiel de l'action et, selon nos expériences, disent-ils, va dans la même direction que celle prise par des professionnels. Dans les médias, la commercialisation du programme n'est pas prévue, mais selon ses concepteurs, il pourrait être utilisé à l'avenir pour aider à réduire les délais de post-production dans les projets professionnels. J'imagine que ça pourrait servir de base, peut-être pour vraiment faire un genre de premier jet, un premier grand montage, et ensuite de ça, tu viens un petit peu arranger, peaufiner, rendre ça parfait, selon la vision du réalisateur qui est vraiment pas imitable par une machine. Parlons robot maintenant, un robot médecin pour commencer. Des chercheurs du centre hospitalier de Sainte Mary ont mis au point un robot médecin capable de faire un diagnostic en orbite. Leur algorithme pourrait être utilisé sur Terre dans les pays en voie de développement ou ailleurs pour désengorger les cliniques sans rendez-vous et assurer le suivi des maladies chroniques. Le système médical embarqué, qu'on appelle SME, n'en est pour le moment qu'à l'étape de preuve du concept. Il a fonctionné pour résoudre un problème médical simple. Il a fonctionné pour résoudre un problème médical simple à partir de symptômes et de renseignements sur le patient. Il pourrait être appliqué d'ici 3 à 5 ans au suivi de maladies chroniques comme l'obstruction pulmonaire, moyennant un investissement relativement modeste de quelques millions de dollars. Voilà. Contrairement à d'autres systèmes similaires développés notamment chez IBM qui s'appuient sur des millions de données statistiques, le SME imite la prise de décision des médecins à partir des lignes directrices des associations médicales. C'est important pour l'espace, dit-on, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données sur la santé des astronautes, mais il croit aussi que ce sera un avantage sur Terre parce que les algorithmes médicaux autonomes basés sur les statistiques sont souvent très spécialisés. Pour le moment, 1,5 million a été consacré à ce projet depuis un an grâce à des fonds de l'Agence spatiale canadienne, nous dit cet article de La Presse. La société Neptech d'Ottawa, qui a déjà travaillé à des projets de télémédecine spatiale, notamment sur la MPOC, a collaboré aux travaux. Et dans l'espace, la SME serait liée aux capteurs biométriques portés par les astronautes qui mesurent leur pression sanguine et d'autres données médicales. Faudra-t-il attendre l'arrivée des dossiers médicaux informatisés pour utiliser le SME dans une clinique sans rendez-vous? Pas nécessairement, nous disent-ils. Il faudrait simplement que le SME pose plus de questions aux patients. Voilà, donc vous pouvez lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com, ça reste quand même assez intéressant. En Chine maintenant, des robots cuisinent votre repas. Dans un restaurant futuriste de l'Est de la Chine, des androïdes s'affairent au fourneau tandis que les robots sur roulette apportent aux clients les raviolis et les légumes frits qu'ils ont commandés. Cette petite échoppe qui a ouvert à Kunshan dans la province du Jiangsu propose des plats emblématiques de la cuisine régionale. Deux robots accueillent la clientèle dès l'entrée avec quelques chaleureuses formules de politesse et quatre androïdes de petite taille apportent ensuite à chaque table les plats, soupes et bols de riz posés sur des plateaux. Donc, dans l'arrière-cuisine, on retrouve deux importants robots au torse bleu et dotés de grosses ampoules rouges clignotantes en guise d'yeux. L'un est en charge des fritures tandis qu'un autre se consacre à la confection des raviolis et autres bouchées fourrées. Ayant intégré un certain nombre de recettes, ils sont approvisionnés en ingrédients par une poignée d'employés humains, lesquels s'occupent également de préparer les plats plus sophistiqués. Chacun des robots coûte environ 5 000 $, on va le dire comme ça, soit peu ou pour l'équivalent du salaire annuel d'un employé en chair et en os. Okay. Les robots peuvent comprendre une quarantaine de phrases et consignes de la vie de tous les jours. Ils ne tombent pas malades, ils ne réclament pas de vacances ni de jours de congé. S'enthousiasme le patron. Selon lui, il suffit de le recharger pendant 2 heures à une prise électrique pour leur garantir une autonomie de 5 heures. Les coûts de main-d'œuvre ont connu de fortes hausses au cours des dernières années en Chine, encourageant les entreprises du secteur manufacturier à accélérer les processus d'automatisation. La Chine a surpassé l'an dernier le Japon comme premier pays consommateur de robots industriels. Sony va fournir des yeux pour automobiles autonomes. Le géant japonais de l'électronique Sony, spécialiste des capteurs d'image, s'apprête à produire en série des spécimens spécialement conçus pour devenir des yeux de voitures à conduite autonome, a affirmé la une du quotidien économique Nikkei. La fabrication de ces capteurs optimisés pour ce type d'application devrait débuter dans la deuxième partie de 2015 dans l'usine d'une filiale de Sony à Kumamoto dans le sud-ouest pour qu'ils soient installés l'année suivante sur des véhicules de grands constructeurs. D'après le journal, Sony a développé des capteurs de sensibilité 10 fois supérieurs à celles des modèles actuellement employés comme caméras de véhicules, de sorte qu'ils seront capables de percevoir précisément des obstacles de nuit comme de jour. À raison de 6 exemplaires par voiture, les capteurs d'image seront des composants clés des automobiles de demain, des voitures intelligentes capables de rouler de façon autonome, même s'il y aura toujours une personne à la place du conducteur, tout comme un avion peut être mis en mode pilote automatique pour alléger la tâche du commandant de bord. Le développement de tels véhicules intelligents est une chance pour les Japonais, champions de l'automobile et de l'électronique, notamment des systèmes de radionavigation et des composants comme capteurs, microcontrôleurs, etc. Selon le Nikkei, même si les entreprises américaines sont déjà sur les rangs, Sony vise une part de marché mondiale de 50% sur ce type de capteurs visuels. C'est ça. Voilà. Maintenant, imprimer en 3D les sondes spatiales de la NASA. La NASA vient de mettre en ligne une bibliothèque d'une vingtaine de fichiers qui permettent d'imprimer en 3D des reproductions en taille réduite de plusieurs sondes spatiales, satellites et autres astéroïdes. Le téléchargement des fichiers est gratuit, mais il faut toutefois évidemment disposer d'une imprimante 3D. Mm-hmm. La NASA met désormais gratuitement à disposition dans sa version bêta des fichiers pour l'imprimante 3D n'importe quelle imprimante 3D qui peuvent servir à fabriquer des reproductions en miniature en plastique de plusieurs modèles de sondes spatiales, d'astéroïdes et même de paysages lunaires ou martiens. Les amateurs pourront ainsi s'offrir une version réduite des célèbres Rosetta, Cassini, Voyager, Pioneer, Mars Odyssey, Kepler ou encore l'immense Valles Marineris et le cratère Gale qui est actuellement exploré par Curiosity. On trouve également 2 agrandissements de 8 cm de côté de la surface lunaire, couvrant une zone de 400 km. Depuis sa création en 1958, l'Agence spatiale américaine a instauré ce type de partage avec le grand public sous forme de dessins, d'images et de vidéos. Désormais, elle prend le virage de l'impression 3D. Les sources sont aussi variées que le Jet Propulsion Laboratory, le JPL, et le Johnson Space Center, le Goddard Space Flight Center et le Ball Aerospace. Il y a aussi le Caltech. La bibliothèque de la NASA comporte actuellement 22 fichiers au format STL. Tous ont été créés à partir de modélisations en 3D, en 3 dimensions, oui, c'est ça, qui ont servi pour des présentations et des vidéos promotionnelles. L'article provient de Futura Science. Les images sont sur assemblagerequis.com. Un doctorant de l'Université de l'Alberta à Edmonton traque les tweets racistes au Canada dans le cadre d'un projet de recherche. Pendant 3 mois, Irfan Chaudhry a analysé 2000 messages Twitter contenant des sobriquets racistes provenant de 6 grandes villes canadiennes. Il en a ensuite sélectionné 776 qui sont utilisés dans un contexte négatif. Il a ainsi trouvé qu'à Edmonton, Calgary et Winnipeg, la communauté autochtone était particulièrement visée par ces messages. À Toronto, Vancouver et Montréal, il s'agit principalement de la communauté noire. Le chercheur admet que son étude a des limites puisqu'il n'a pu relever qu'une toute petite fraction des microbillets géolocalisés. Il espère toutefois mener une étude plus large dans l'avenir. La mise en ligne d'une version pirate du film Expendables 3 près d'un mois avant sa sortie en salle a poussé le distributeur Lionsgate à porter plainte contre plusieurs services ayant fait office de plateforme de diffusion du contenu illégal. Parmi eux, Hulkfile, qui vient de mettre la clé sous la porte. Donc, tous ceux qui avaient misé sur Hulkfile et qui avaient tout mis leurs fichiers là-dessus, vous les avez perdus. N'est-ce pas magnifique? Expendables 3 sort le 15 août aux États-Unis, mais il est possible de trouver le film sur Internet depuis fin juillet, une version fuitée en qualité DVD. est en effet offert en circulation depuis plusieurs semaines. Lionsgate, le distributeur du long métrage, fait depuis la sortie son maximum pour contrôler la situation. L'une des principales démarches du studio, comme on s'en doute, est de menacer de poursuite les sites qui proposent le film en téléchargement illégal. Ainsi, ces dernières semaines, des milliers de liens ont fait l'objet de demandes de retrait et Lionsgate a poursuivi en justice 6 sites qui n'ont pas réagi assez vite pour eux. Donc, on parle de LimeTorrents, Billion Uploads, Hulkfile, Plaid, SwankShare et DotSamper. En début de semaine, un tribunal fédéral de Californie est allé dans le sens du studio en validant sa demande d'injonction préliminaire à l'encontre des 6 plateformes. Ces dernières ont vu leurs comptes et biens financiers gelés. Le tribunal a également contraint les services en question à prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper l'atteinte aux droits d'auteur de Lionsgate sur leur page. Dans le cas de plateformes qui hébergent des dizaines de milliers de fichiers, la demande s'avère très complexe, voire même impossible à mettre en place, puisqu'elle nécessiterait une vérification manuelle de tout le contenu stocké par les utilisateurs. Face à une tâche titanesque, le service de stockage en ligne Hulkfile a donc décidé de son côté de jeter l'éponge. SwankShare, une autre plateforme d'hébergement attaquée par le studio, a également disparu de la toile au début du mois d'août, mais comme c'était moins populaire, ça n'a pas vraiment fait de bruit. C'est dommage pour Hulkfile. Ça me surprend pas du tout pour des services comme ça, bidon, genre de coin, des services de ruelle, que j'appelle, les services de ruelle, qui n'ont pas de financement derrière. Donc, t'encourages quelque chose sans savoir si ça va durer. The Power of Glove. Un documentaire sur le Power Glove s'en vient. Vous vous rappelez peut-être du Power Glove de Nintendo. Donc, avant la Kinect, avant même la Wii, il y avait le Power Glove, un périphérique conçu pour plonger la main du joueur à l'intérieur d'un jeu vidéo de la NES. Malheureusement, l'accessoire officiellement accrédité par Nintendo n'était pas aussi réactif que le laissait croire son fabricant Mattel lors de son lancement en 1989, nous dit branchez-vous.com. Toutefois, le Power Glove a su capter l'imagination de millions d'adolescents prépubères avec un look qui semblait sorti tout droit du film RoboCop. On l'a vu dans le film The Wizard, en passant. Si bien qu'aujourd'hui, un documentaire à son sujet est sur le point de se concrétiser. Entre en scène Adam Ward, Andrew Austin et Paul Kosofsky qui souhaitent produire The Power of Glove, qui est une référence à The Power of Love, une chanson de Huey Lewis and the News. Donc, la campagne de sociofinancement sur Kickstarter va quand même bien. Le film a pour objectif de raconter l'histoire du Power Glove par le billet d'entrevue réalisé par avec les concepteurs du périphérique en question. Le trio a également cumulé des rencontres avec des adeptes du gant, dont plusieurs se sont amusés à bidouiller l'accessoire afin de changer sa vocation. Des hackers! Les bailleurs de fonds qui souhaitent soutenir le projet doivent contribuer un minimum de $10 américains afin d'obtenir un lien permettant de télécharger le documentaire. Ceux qui sont prêts à investir au moins $25 américains auront droit à des suppléments vidéo et la version DVD de Power of Glove accessible à partir de $55 américains. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il est possible pour les propriétaires de magnétoscopes d'obtenir une version VHS du documentaire formaté pour écran 4:3 pour $160 américains. Mais avec les effets de VHS, c'est génial. Les porteurs du projet ont jusqu'au 4 septembre pour atteindre ou dépasser leur objectif. Vous avez sûrement vu, entendu parler de la nouvelle de quelqu'un qui apparemment avait utilisé Siri sur son iPhone pour cacher un corps. Il avait demandé, quelqu'un qui avait présumément tué quelqu'un. Il avait demandé présumément à son iPhone, Siri, où est-ce que je peux cacher un corps? C'est sorti partout sur Internet, mais c'est complètement faux. On dit que le téléphone on va recommencer ça. Voilà. Donc, comment cacher un corps? Le journal The Independent avait dit qu'un suspect pour meurtre âgé de 20 ans, Pedro Bravo, avait dit à son téléphone « J'ai besoin de cacher mon coloc, donc cacher un corps. » Il aurait présumément commis ce crime-là après une chicane avec Christian Aguilar qui sortait avec l'ex-copine de Bravo. Mais l'avocat de Bravo dispute tout ça, dit que c'est pas vrai, disant que le téléphone de Bravo avait seulement une photo sauvegardée sur son appareil. Il n'avait pas nécessairement performé cette recherche-là. Il y a une photo assez populaire sur Internet qui se partage facilement. Qui dit « Siri was the best place to hide a body ». Et là, apparemment, dans le temps, c'est plus comme maintenant, mais il y avait vraiment des réponses qui s'affichaient en dessous d'un pont, des trucs comme ça. Mais on dit dans l'article que Bravo était seulement propriétaire d'un iPhone 4. Et iPhone 4S, c'est la première version qui avait Siri dessus. Donc, ce serait impossible. Donc, si vous avez vu passer ça, c'est juste pour vous dire que c'est un hoax, une attrape. Par contre, il y a une nouvelle qui a l'air insolite et pour l'instant n'a pas eu de preuve du contraire. C'est un couple polonais qui visitait Cabo de Roca au Portugal qui serait tombé, le couple, en bas d'un ravin en essayant de prendre une selfie sur le bord de ce ravin-là plutôt cette semaine, ou la semaine passée. Donc, on a éventuellement retrouvé leur corps au fond de l'océan Atlantique. Les jeunes enfants du couple, donc âgés de 5 et 6 ans, étaient avec eux lorsque l'accident a eu lieu et sont présentement en soins psychiatriques. Voilà. Ça nous rappelle l'histoire à Mexico City d'un homme qui essaie de prendre un selfie avec son fusil, qui s'est accidentellement tiré dans la tête et qui est mort. L'inventeur des pires fenêtres publicitaires du web, donc les pop-up, s'excuse. Ouais. Vous vous rappelez de ces agaçantes fenêtres publicitaires s'ouvrant par-dessus le site que vous consultez? On n'en voit plus vraiment de nos jours avec les logiciels d'anti-pop-up intégrés à nos furteurs web. L'inventeur des pop-up donc vous présente ses plus plates excuses. Le responsable est Ethan Zuckerman, donc aujourd'hui directeur du Centre pour les médias citoyens du prestigieux MIT. C'est lui qui, il y a 20 ans, avait écrit le code de la première publicité pop-up. Dans une tribune sur la publicité en ligne publiée par le site The Atlantic, cet universitaire revient sur la création de ce format publicitaire et le concours de circonstances qui l'a poussé à inventer ça au milieu des années 90. À l'époque, Zuckerman travaillait comme graphiste et programmateur pour le site Tripod.com, un hébergeur de pages personnelles. J'avais des sites hébergés là-dessus, facilement. Et comme il l'explique dans sa tribune, il a créé ce format pour cacher la bannière publicitaire qu'un géant de l'automobile avait achetée sans prendre garde sur un site à caractère pornographique. Comme il était trop tard pour attraper cette erreur publicitaire, le code de Zuckerman permettait de cacher la bannière avec une nouvelle fenêtre s'affichant par-dessus. Zuckerman n'avait pas imaginé que son code intéresserait à ce point les publicitaires. Quelques semaines plus tard, GeoCities, un autre hébergeur, a récupéré son code, puis le modèle s'est propagé sur la plupart des sites. 20 ans plus tard, la plupart des internautes pourraient pardonner le malheureux inventeur parce que les pop-ups sont quasiment, les pop-ups ont quasiment disparu depuis que les navigateurs intègrent une protection automatique. Dans cette tribune, Zuckerman évoque de manière plus générale la publicité sur Internet. Il en est venu à croire qu'elle représente le péché original du web. C'est cette publicité qui doit être de plus en plus ciblée pour être efficace, qui est selon lui à l'origine de ce monde de la surveillance où toutes les données personnelles des utilisateurs sont possédées par de grands groupes ou par l'État. Évidemment, la plupart des... En tout cas, non. Une bonne grosse partie des gens sains d'esprit qui utilisent Internet ont adblock sur leur furteur. On ne les voit plus, les pubs. Et même quand on les voit, on ne les voit quand même pas. Ça passe complètement inaperçu, les pubs web, mais apparemment que ça se vend encore. Donc, félicitations. Une mère de famille crée une application pour empêcher son ado de l'ignorer. Une mère de famille américaine, Sharon Standiford, oui, originaire du Texas, a lancé une application disponible sur les téléphones intelligents Android et bientôt sur iPhone, baptisée Ignore No More. L'application qui n'existe qu'en anglais bloque le portable de l'adolescent jusqu'à ce que celui-ci rappelle ses parents. Plus de textos, plus d'Internet, plus de jeux. La seule chose que votre enfant pourra faire, c'est de vous rappeler ou contacter la police en cas d'urgence. Une fois que vous aurez votre adolescent récalcitrant au bout du fil, vous pourrez lui donner le mot de passe qui débloquera son portable. J'ai travaillé des mois, dit-elle, avec des développeurs pour y parvenir. C'est évidemment ce qu'un parent frustré est capable de faire. Bravo. Voilà pour le bloc CNX. Allons-y avec les jeux vidéo les plus loués. Récemment dans les clubs vidéo. Position 10, Grand Theft Auto 5 sur PS3. En 9e, Watch Dogs sur Xbox. En 8e, Grand Theft Auto 5 sur Xbox. En 16e, Mario Kart 8 sur Wii U. Je l'ai en ce moment même en location. Donc, je fais partie du top, peut-être. En 6e, Skate 3 sur Xbox. En 5e, Secret 3 sur Xbox. En 4e, Secret 3 sur PS3. En 3e, Minecraft sur Xbox. En 2e, Minecraft sur PS3. Et en première place, c'est The Last of Us Remastered sur PlayStation 4. Voilà. Maintenant, étant donné qu'on a terminé le bloc CNX toujours juste après, en tout cas, hein, c'est bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés disponibles dans le commerce pour la semaine du 17 août au 23 août. Eux, ça commence un dimanche, mais on va y aller quand même avec le lundi pour commencer. Donc sur PC, on retrouve Détective Grimoire. Il n'y a pas de résumé sur la page, malheureusement. Ensuite, on saute à mardi, la grande journée, Tales of Zillia 2 sort sur PlayStation 3. C'est donc un an après la fin de Tales of, of Zillia. Les joueurs prennent le rôle de Ledger Krasnick, un jeune homme, blablabla. Le résumé arrête avec des trois petits points, je suis obligé d'ouvrir la page, ça ne tente pas. Sur PS3 et PS4 sort Plants vs. Zombies Garden Warfare. Les joueurs vont tirer sur des zombies, des plantes et de nouveaux personnages avec des armes remplies d'imagination. C'est basé sur le jeu, sur la série Plants vs. Zombies. C'est coté 7, selon GameSpot. Counter-Spy sort sur PlayStation 3 et PlayStation 4, un nouveau jeu par Dynamite. Diablo 3 Ultimate Evil Edition sort sur PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360. C'est coté 9, superbe, selon GameSpot. C'est vraiment très, très, très, très bien coté. Hotline Miami sort sur PlayStation 4. C'est coté 8,5. Ça se passe dans le Miami Underground des années 80. Sword Art Online Hollow Fragment, une exclusivité numérique pour la PlayStation Vita qui sort mardi. The Last Tinker City of Colors sort sur PlayStation 4, un jeu d'aventure qui mélange un jeu de plateforme moderne et un style multicolore. Chess 2 The Sequel sort sur PC, c'est évidemment un jeu d'échecs. Jeudi, Shadowgate sort sur PC. Hatoful Boyfriend sort sur PC. Vous êtes le seul étudiant humain dans l'institut, à l'institut prestigieux Saint Pigeonation, une école pour les oiseaux talentueux. Ouais, OK. A Grim Legends The Forsaken Bride sort sur PC et Demon King Box sur la 3DS. Vendredi, Centuries sort sur PC. C'est un jeu de puzzle qui tourne autour de l'environnement de la musique. Il y a Neon XSZ qui sort sur PC. Et finalement, Commando Jack sort aussi sur PC. La liste complète sur GameSpot.com. Voilà pour bientôt sur vos écrans. Il nous reste encore c'est un fait Tech Edition. Il nous reste le segment Wow at Web et la musique de Super Mario 64 dans Portrait of a Plumber. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre chanson de chiptune. C'est Dee Boyd. Voici Sunshine for Lonely Heart. MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou. Wow! D-Boyd et Sunshine for a Lonely Heart. J'adore cette chanson-là. Super bon. D-Boyd, D-B-O-Y-D. C'est la fin de la première. On se retrouve dans quelques instants pour une deuxième partie du Mathieu Plante Show. Là-dedans, où il y aura évidemment notre chronique Wow What Web. Il y a aussi C'est un fait Tech Edition. Tout ça dans la deuxième heure. Et la série Portrait of a Plumber avec la musique de Mario 64. Dans quelques instants, Mathieu Plante Show sur Cifou. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans quelques instants, la série Super Mario 64, Portrait of a Plumber. On va écouter les pièces 7, 8 et 9 du premier CD de 2. Ça va être vraiment très bon. Mais avant ça, là, c'est le moment de parler de choses vraies, véridiques, véritables et vérifiables. Voici C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Ah, le défi à chaque semaine de chanter ça, c'est un fait, Tech Edition, la connexeur de C'est un fait qu'on fait bien sûr à Assemblage Rocky les jeudis après-midi cet été. Et on commence avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Commençons le 11 août dernier, mais on retourne en 1942. C'est ça. C'est pas vraiment le dernier. Hedy Markey et le compositeur George Antheil ont reçu un brevet aux États-Unis pour un appareil qui change de fréquence, donc Frequency Hopping Device. La technique a mené à plusieurs avancées technologiques dans la technologie sans fil, incluant le Wi-Fi. Donc c'est en 1942. Pas le Wi-Fi, mais ce qui a mené au Wi-Fi. Le 12 août en 1877, Thomas Edison a dessiné son idée pour le phonographe. Et il aurait peut-être même, à cette époque-là, complété le premier modèle. Le premier modèle fonctionnel n'a pas été complété, lui, avant le 6 décembre 1877. En 1981, IBM présente le modèle 5150, c'est un ordinateur personnel, donc un PC, avec un microprocesseur de 4,77 MHz, Intel 8088. Et ça utilisait le système d'exploitation MS-DOS, bien sûr. Le 13 août, en 2004, plus récent, Adam Curry lance un fil RSS d'enregistrement audio. Ça s'appelait le Daily Source Code et c'est plus tard devenu ce qu'on appelle maintenant le podcasting, donc les balado-diffusions, peu importe. Il y en a qui vont dire podcast, il y en a qui vont dire Nedcast, il y en a qui vont dire webcast, il y a plein de façons de le dire. Le 14 août 1894, la première transmission sans fil d'informations utilisant un code Morse a été montrée par Oliver Lodge pendant une réunion de la British Association à Oxford, l'université. Donc, un message a été transmis à environ 50 mètres de distance de l'ancien laboratoire Clarendon au Lecture Theatre du University Museum, donc du musée de l'université. Le 15 août en 1877, dans une lettre à TBA David, le président du Central District and Printing Telegraph Company à Pittsburgh. Donc, Thomas Edison a suggéré l'utilisation du mot « hello » pour indiquer qu'une connexion téléphonique était rendue active. Alexander Graham Bell, lui, préférait le mot « ahoy », comme les pirates diraient, comme un message d'accueil. En 1994, un programmeur chez Microsoft, Benjamin Slivka, a envoyé un courriel à son équipe suggérant que peut-être qu'il devrait faire un furteur Internet pour Windows 95. Un web browser. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Je pense qu'il y a un futur là-dedans. Le 16 août en 1993, Ian Murdoch a annoncé que le système de distribution Debian Linux s'en venait. Donc le nom combinait le prénom de sa copine, Deborah, copine de l'époque bien sûr, et son propre prénom, Ian Murdoch. Donc ça fait Deborah et Ian, Debian. Donc maintenant on sait comment prononcer correctement le mot. En 1994, le IBM Simon arrive en magasin, combinant un téléphone mobile avec des fonctions d'ordinateur. Ça pesait 500 grammes. On pouvait faire fonctionner dessus des applications, hein, des apps. Et on pouvait même le lier à un fax, un télécopieur. Tout ça se vendait pour 899 $. Évidemment, le mot smartphone n'existait pas encore. C'était en 94. Et en 95, la première version du furteur web de Microsoft, Internet Explorer 1, débute, basée sur Mosaic, que Microsoft avait... Microsoft avait acheté la licence de la compagnie Spyglass Inc. C'est drôle que ça tombe la même semaine que la discussion par courriel de juste avant. Le 17 août en 1982, Royal Philips Electronics fabrique le premier compact disque du monde, là on compte pas les tests qu'ils avaient fait avant, à l'usine PolyGram de Langenhagen, juste à côté de Hanover, en Allemagne. Le CD qu'ils avaient fabriqué à cette époque-là, donc le premier, était The Visitors par ABBA. ABBA! En 2000, Nielsen Net Ratings annonce que selon leurs données, plus de la moitié des États-Unis, donc des maisons des États-Unis, avaient accès à Internet pour la première fois. On parle de 52%. Ça a confirmé le rapport de MediaMetrics du mois d'avril 2000 qui estimait que 51% des maisons américaines avaient maintenant accès à Internet. Et finalement, le 18 août en 2005, c'est aujourd'hui, c'est en direct. On n'est pas supposé faire la date d'aujourd'hui, mais bon. J'ai déjà commencé. Le 18 août en 2005, la plus grande panne de courant de l'histoire est arrivé dans à l'île de Java, en Indonésie. Ça a affecté presque 100 millions de personnes. Voilà pour ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Maintenant, allons-y avec des faits sur les jeux vidéo. Selon l'écrivain, celui qui a écrit les textes, ou en tout cas les scénarios de Portal 2, Eric Wolpa, Valve, à l'origine, voulait inclure un gel qui permettait de marcher sur les murs dans Portal 2, disponible sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Malheureusement, les joueurs avaient mal au cœur en l'utilisant parce que c'était pas droit. Tu savais pas trop de quel bord t'étais, puis ça donnait un genre de mal du mouvement. Valve va essayer de réduire le frame rate, donc le nombre d'images par seconde, et les mouvements de la caméra, mais éventuellement, ils ont juste décidé de lâcher prise sur ce gel qui te permettait de marcher sur les murs, oui. Crisis Warhead sur PC, les versions piratées du jeu vont te faire tirer des poulets à la place de balles de fusil. Dans la version piratée de Crisis Warhead, il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com, c'est bien drôle. Dans Alan Wake, oui, sur PC et Xbox 360, si le jeu détecte que c'est une copie piratée, ça va donner à Alan, le personnage principal, un patch sur son œil avec un crâne et des croix dessus, donc ça représente un pirate. Et les conseils dans le jeu vont t'encourager à acheter le jeu. Donc c'est Alan Wake. Doom, maintenant, qui est disponible sur à peu près toutes les générations de consoles. En 1995, on estimait que Doom avait été installé sur plus d'ordinateurs que Windows 95 de Microsoft, ce qui a amené Bill Gates à brièvement considérer l'achat de la compagnie id Software pour pouvoir avoir les droits du nom de Doom. Ça a aussi mené, plus tard, à la place de faire ça, au développement d'un port Windows 95 du jeu pour faire la promotion du système d'exploitation comme plateforme de jeu. Donc, il y a eu une entente où on pouvait avoir une version PC de Doom. Duke Nukem, maintenant, la série. Le personnage de John St. John, l'acteur John St. John, pardon, est la voix de Duke Nukem pour tous les jeux sauf un seul. La seule exception, c'est Duke Nukem 2, où c'est un membre de l'équipe de Apogee Software, Joe Siegler, qui lui donne ses premières répliques parlées. Donc, on comprend que dans Duke Nukem 1, il ne parlait pas. Ensuite, Duke Nukem 2, c'était le gars là, de Apogee Software, Joe Siegler. Et ensuite, tous les autres jeux, c'était John St. John. Perfect Dark, un des jeux préférés de plein de gens, je pense, pour vrai. Il y a beaucoup de monde qui trippe sur Perfect Dark sur la Nintendo 64. Joanna Dark, personnage principal, est asiatique dans la version japonaise. Et ce changement-là s'applique seulement à Joanna et à personne d'autre, même pas sa sœur Velvet. C'est quand même spécial d'aller voir la version américaine versus la version japonaise. Je trouve pas qu'elle a l'air particulièrement japonaise, mais bon, c'est ce qu'ils disent. En passant, on fait un petit bloc sur les jeux un petit peu plus adultes aujourd'hui. J'oublie tout le temps de dire les thématiques dans ces chroniques-là, mais bon, c'est une petite chronique. À la place de parler de Mario puis Donkey Kong, là, on parle de jeux un petit peu plus pour adultes. Bon. Donc, Saints Row the Third sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Comme promotion pour le jeu Saints Row the Third en France et aux Pays-Bas, THQ a produit 25 répliques de ce qu'on appelle le Penetrator. C'est un dildo mauve de 4 pieds de long, une arme qu'on a dans le jeu Saints Row the Third. Ça a été envoyé aux critiques professionnelles de jeux vidéo. Très drôle. Dans Hitman Blood Money sur PC, PlayStation 2, Xbox et Xbox 360, dans le tableau Dance with the Devil, il y a une boîte dans la pièce réfrigérée. C'est comme le genre de congélateur de ce qu'on appelle le Hell Party. La description de cette boîte C'est comme une boîte de carton, si on veut. La description dit « Alan, s'il te plaît, ajoute des détails ». Donc, présumément, ça a été laissé là par accident par le développeur du jeu, Alan Hansen. Il s'est laissé une note à lui-même. « S'il te plaît, ajoute des détails ». C'est quand tu cliques sur la boîte pour avoir les informations. C'est drôle. Dans Gears of War 2 de Microsoft sur Xbox 360, près de la fin du jeu, il y a un toaster, un grille-pain caché dans un bloc. Si on l'utilise et qu'on attend que le pain sorte, que le pain soit rôti, Marcus va crier « Qui veut les toasts? » C'est juste un inside, j'imagine. Dans Bioshock Infinite sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, lorsque vous êtes devant le vendeur de billets pour le First Lady Airship, donc c'est une espèce de vaisseau. Si tu fais rien ou que tu demandes les billets, le vendeur va te poignarder dans la main droite. Donc Booker, le personnage, va porter un bandage autour de sa main pour le reste du jeu. Et c'est considéré, comme on a dit la semaine passée, canon. Donc, ça fait partie de la vraie histoire. C'est comme ça que Booker est vu dans toutes les images promotionnelles du jeu et même sur la couverture officielle du jeu. Donc, pour avoir ce bandage et te faire poignarder dans la main, il faut absolument que soit tu fasses rien ou que tu demandes les billets. T'as pas le choix, tu vas devoir passer par là pour avoir la plaie sur ta main. Intéressant. Parlant de main, maintenant sur la couverture de Left 4 Dead sur PC et Xbox 360, la couverture du jeu a été changée pour la version allemande et la version japonaise. La main du jeu, de la couverture de Left 4 Dead, a été changée pour inclure le pouce manquant. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la couverture américaine du jeu, on voit le dessus d'une main et on voit que le pouce est complètement enlevé, a été enlevé par un zombie. Donc on voit l'intérieur de la main. Donc, on a remis le pouce, mais en fait, on n'a peut-être pas remis, on n'a peut-être juste pas enlevé. Je sais pas comment ils ont fait ça, je sais pas si c'est un Photoshop avec... Peu importe, là, t'sais. Mais donc, ils ont changé pour remettre le pouce et on a donné l'impression que le pouce était caché derrière la main. Donc, tu sais, quand on cache son pouce en arrière, on voit un petit genre de repli. Un pli, pas un repli. Un reply. On voit une réponse à un courriel. On reste dans Left 4 Dead, mais cette fois-ci, Left 4 Dead 2, qui, sur la couverture américaine, est le même principe. Il y a le pouce arraché, sauf que les deux derniers doigts sont rabattus par en bas pour qu'on voit la main faire le symbole 2 avec l'index et le majeur. Donc, plusieurs versions différentes de la boîte pour le jeu ont été fabriquées pour différentes régions. La main a été inversée au Royaume-Uni. Donc, on voit l'intérieur de la main à la place du dessus de la main. Parce qu'au Royaume-Uni, montrer deux doigts de cette façon-là avec le dessus de la main, c'est un geste insultant. Pour les versions japonaises et allemandes, la main, encore une fois, on a l'impression que le pouce a été ramené en arrière de la main, pareil comme dans Left 4 Dead 1. Donc, au moins, ils suivent les choses qu'ils ont fait dans la précédente version du jeu. Voilà. Resident Evil 6 maintenant sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Pierce Nivens, le partenaire de Chris dans sa campagne dans le jeu, à l'origine était un manga, était un personnage de manga dans le manga qui s'appelle Biohazard Marawa Desire. Vous savez que qu'au Japon, la série Resident Evil s'appelle Biohazard. Donc, c'est la première fois qu'un personnage de la série a commencé dans une autre forme de média, une autre forme, et qui a ensuite fait son chemin jusque dans le jeu. Donc, ça provient de manga. Biohazard, Marawa, Desire. Il y a une photo sur assemblagerequis.com de quoi il avait l'air dans le manga. Pardon. On reste dans Resident Evil 4. En fait, excusez-moi. On reste dans la série Resident Evil. On va à Resident Evil 4 sur GameCube, PC, PlayStation 2 et Wii. Quand on se bat avec Ganados dans le chalet, tirer Louis assez souvent va présenter une cutscene, donc une scène qui est hétéro-l'action, où il va tirer et tuer Leon, ce qui va mener vers un game over. Leon étant, j'imagine, le personnage principal du jeu. Donc, si tu tires Louis assez souvent, la cutscene va arriver, il va tuer Leon. Game over, c'est fini. Voilà. Dans Halo 4 sur Xbox 360, pendant la sixième mission, il y a deux Marines près d'un forklift, un chariot élévateur, je crois, c'est ça, qui parlent de loader des crates, donc j'imagine charger des boîtes de bois. Les deux Marines sont les voix de Conan O'Brien et Andy Richter, les deux animateurs du talk show Conan sur TBS en ce moment, donc émission de fin de soirée. C'est un hommage à eux, on leur a demandé de jouer dans le jeu. Dans Halo 3, la version bêta avait un achievement, vous savez ce que c'est un achievement, c'est comme un trophée, là, qui s'appelait Chini Mania. On vous le donne, cet achievement-là, si vous tuez 10 ennemis de suite avec le shotgun sans mourir. C'est une référence, évidemment, à l'ancien vice-président américain Dick Cheney qui, accidentellement, avait tiré sur quelqu'un avec un shotgun. Donc, on fait la même chose dans le jeu. Dans Halo 2 sur PC et Xbox, Halo 2 a reçu environ 1,5 million de précommandes avant sa sortie, ce qui fait que c'était un meilleur vendeur platine avant même d'être disponible en magasin. Ils ont fait 125 millions de dollars, la compagnie. Et ben, la compagnie. Je sais pas si c'est Bungie qui a fait tout ça, mais en tout cas, 125 millions de dollars à 24 heures après la sortie. Dans Halo 2, il y a 21 090 lignes de dialogue dans Halo 2. La plupart sont amenées au hasard pendant le combat. Donc, c'est des phrases qui sont générées automatiquement. Ben, en fait, les phrases existent déjà, mais c'est pour pas que ce soit trop redondant. C'est tellement fatigant les jeux, c'est tout le temps les mêmes phrases. The Last of Us, maintenant sur PlayStation 3. La cause de l'apocalypse zombie est basée sur un fait. Il y a un fungus qu'on appelle en anglais, donc un parasite nommé Ophiocordyceps unilateralis. Qui va complètement se mettre à contrôler la tête d'une fourmi. Et ça va faire de cette fourmi-là un zombie. Dans le jeu de Last of Us, il y a un fungus qui infiltre les esprits ou la tête de toute l'humanité. Ce qui fait que l'humanité devient des zombies. Voilà. Dans StarCraft sur Nintendo 64 et PC, si on attend à l'écran du briefing pour la première mission de Terran Training, donc d'entraînement Terran, T-E-R-R-A-N. Si on attend environ 3 minutes après que le texte soit terminé, ça va vous présenter une recette pour du poulet au citron chinois qui va scroller sur l'écran. Donc une recette de mets chinois dans StarCraft sur Nintendo 64 et PC. Dans Metal Gear Solid sur la PlayStation, la bataille avec Psycho Mantis a une démonstration des habiletés psychiques de Mantis, où Mantis va lire la carte mémoire du joueur. Si le joueur a des données de sauvegarde d'un autre jeu de Konami pour PlayStation, sur leur carte mémoire, Mantis va faire une référence à ces jeux-là avec le nom du jeu. Donc les jeux qui peuvent amener ce dialogue particulier là sont Suikoden, Castlevania Symphony of the Night, Vandal Hearts et Azure Dreams. Dans la version japonaise, les jeux Police Nuts et Snatcher sont aussi reconnus, mais ils sont sortis seulement au Japon. Donc on peut pas l'avoir aux États-Unis. Chaque posture recherchée dans le jeu Mafia 2 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, il y a des photos façon gangster, comme dans les vieilles affiches là, des années, peu importe. Les mugshots qu'on appelle, les photos de police. Là. Les photos dans Mafia 2, donc, sont de l'équipe, les gens qui ont fabriqué le jeu. Donc, quand on voit un poster recherché, comme dans ce cas-ci, sur la photo sur assemblagerequipe.com, c'est Jarek Kolar, aussi connu sous le nom de Clutch Hand. Et bien, Colin, c'est un gars qui a travaillé sur le jeu. C'est cool. Hein? Toujours dans Mafia 2, les magazines Playboy qu'on retrouve partout dans le jeu sont anachroniques. Le jeu se déroule entre 1945 et 1951, mais le magazine Playboy a été fondé seulement en 1953, donc 2 ans après la fin du jeu. Et les images qui sont placées dans le jeu ont été publiées entre 1958, donc 7 ans après la fin du jeu, à 1968, c'est-à-dire 17 ans après la fin du jeu. Les 19 Playboy qui ont été ajoutés en téléchargement, donc en DLC qu'on appelle, du contenu à télécharger, qu'on appelle Joe's Adventures, les magazines sont de 1960 à 1969. Il y a même une image qui a été ajoutée d'un magazine de 2007, donc c'est 56 ans après la fin du jeu Mafia 2. J'imagine que c'est par exprès si on a choisi de mettre un magazine de 2007. Dans Fallout 3, sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, juste à l'extérieur de Big Town, il y a un poteau en plein au centre de la map du jeu avec une plaque unique qui dit TES trait d'union 04. C'est une référence... Bon, téléphone qui sonne, toujours le cas. J'ai oublié tout à l'heure. Donc, c'est une référence à The Elder Scrolls IV Oblivion, aussi par Bethesda. Le placement de ce poteau-là sur la carte, sur la map, suggère une référence à un des endroits les plus populaires de TES4, donc The Elder Scrolls IV Oblivion, qui s'appelle la White Gold Tower. C'est considéré comme le point central du continent de Tamriel. C'est ça. Donc, c'est une référence à The Elder Scrolls IV Oblivion, le milieu. La place la plus importante est aussi la place la plus importante dans Fallout 3. Le jeu DayZ maintenant sur DayZ, oui, c'est ça. DayZ, D-A-Y-Z, sur PC. Les avocats du musicien Jay-Z ont demandé à ce que le nom du jeu change pour ZD au lieu de DayZ. Les développeurs étaient amusés par la demande, mais n'ont pas été convaincus parce que le jeu s'appelle encore DayZ. C'est pas comme s'il y avait un copyright sur tout ce qui sonne comme son nom, le gars. Il y a une pièce dans The Elder Scrolls V Skyrim. On vient de parler de The Elder Scrolls, d'ailleurs, 4 tantôt. Donc, dans le 5e Skyrim sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, il y a une pièce dans Skyrim qui contient tous les corps de toutes les personnes mortes, décédées, qu'on appelle des non-playable characters, voilà, des personnages non jouables. Donc, lorsqu'un personnage non jouable meurt, il est envoyé dans le code, dans cette pièce-là du jeu Skyrim. La pièce ne peut être accédée qu'avec l'utilisation des console commands, donc des consoles spéciales sur la des commandes spéciales sur la console, oui. Il y a quatre sorties qui mènent vers un trou noir. Et si les personnages morts sont ramenés à la vie via des codes de commandes de console, la plupart des NPC, donc des joueurs non jouables par l'utilisateur, vont être hostiles envers le joueur. C'est cool, mais c'est en même temps vraiment très, très lugubre. Il y a une photo beaucoup trop grosse et beaucoup trop détaillée de ces corps morts-là sur assemblagerequis.com. Et pour terminer avec la série Call of Duty maintenant, dans chaque Call of Duty jusqu'à maintenant, il y a une arme secrète qui est la base pour toutes les armes. Ça s'appelle Default Weapon. On peut pas l'obtenir de façon légitime, on peut seulement se l'équiper avec des console commands dont j'ai parlé tantôt. Donc c'est une arme par défaut sur laquelle tout est basé. Donc chaque arme prend ses références de grandeur et tout ça, j'imagine. Sûrement genre plus petit que Default Weapon, plus grand que Default Weapon, etc. etc. Donc c'est Default Weapon. Voilà pour cette fête Tech Edition. J'en ai fait une particulièrement longue cette semaine, mais on a pris du retard dans tout ça. Voilà, pour l'instant, on va continuer, tiens, avec notre série musicale juste après la pause. C'est cool ça, on revient dans quelques instants avec Super Mario 64, Portrait of a Plumber, ou Mathieu Planchot, sur C'est Fou. C'est juste après ceci. Je suis en train de pas faire la bonne affaire. Ceci. Comme ça, voilà, on part ça. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. On est rendu à notre portion Super Mario 64 Portrait of a Plumber. J'adore la musique de Mario 64. Vous le savez, c'est une des séries, en fait, Mario en général, avec la meilleure musique. Hein? Donc, Koji Kondo, bien sûr, derrière tout ça. Donc, Portrait of a Plumber est la 48e édition, en fait, le 48e CD sorti par Overclocked Remix, donc sur ocremix.org. On réarrange la musique du titre de lancement de la Nintendo 64, Super Mario 64. C'est 16 artistes qui réimaginent ces compositions originales de Koji Kondo dans une variété de styles. Et on va commencer avec Super Snowman, entre parenthèses, Snow Mountain, tout de suite par Electric Concerto au Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou. We'll be right back. La pièce s'appelle Find the Red Coin, basée sur Cave Dungeon. Avant ça, on a entendu Hush Hour, basée sur Slider. Et au tout début, Super Snowman, basée sur Snow Mountain. Trois pièces, évidemment, tirées de la compilation Super Mario 64, Portrait of a Plumber, 48e compilation de OCRemix.org. Retrouvez le lien sur assemblagerequis.com. Parlons de choses qui se passent sur Internet maintenant. Voici What Web. C'est WoW at Web où on fait un petit survol de ce qui se passe sur Internet et il s'en passe bien les choses. J'essaie autant que possible de vous parler de choses que vous n'avez peut-être pas vu passer encore. Commençons par ce qu'on appelle le Return on Investment. Vous savez peut-être que dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? ROI, Return on Investment, c'est quand tu achètes quelque chose, tu veux que ce soit rentable, tu veux que ton investissement serve à quelque chose. Hein? Les jeux vidéo peuvent être chers eux aussi, surtout quand on prend la peine d'essayer quelque chose de nouveau. L'équipe de eBay Deals nous sort cette liste de Return on Investment pour pouvoir savoir quel jeu et quel contenu à télécharger a la meilleure valeur pour votre dollar si durement mérité. Donc, ils utilisent une formule avec des facteurs comme les prix, les scores, dans le fond, les critiques, la durée que ça prend en moyenne pour compléter le jeu. Donc, on a trouvé un système de cotes pour facilement comparer les jeux ainsi que leur contenu à télécharger. Vous pouvez voir la liste sur assemblagerequis.com. On peut vous battre, évidemment, il y a des facteurs qui sont plus importants pour certaines personnes que d'autres. Plus la valeur, le value rating est élevé, meilleur vous allez avoir comme deal, si on veut. C'est le meilleur marché. Voilà. Donc, c'est sur The eBay Deals, l'adresse deals.ebay.com, /blog/videogame ROI, le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Si on regarde un petit peu la liste, juste comme ça, en bref. Bref aperçu. Le meilleur Return on Investment, c'est la série Animal Crossing, qui a une cote de 10,19. Ensuite, Civilization, Roller Coaster Tycoon. Évidemment, là, on parle de jeux à longue haleine, ces affaires-là. Clash of Clans, Plants vs. Zombies, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Pokémon Red and Blue, Angry Birds, et la liste continue encore et encore. C'est super. Allons-y avec... des illustrations de montres animées pour montrer vraiment la beauté des montres. Les montres, ben, c'est quelque chose, une marque de classe pour certaines personnes. Il y en a qui vont porter une montre de luxe très très chère pour montrer qu'eux, ils ont réussi dans la vie. T'sais. Ils ont une montre vraiment cool. T'sais, moi, j'ai une montre intelligente parce que je suis geek puis je trouve ça cool d'avoir ça. C'est plus pour moi. T'sais. Les autres vont acheter une montre pour frimer des fois. T'sais. Avoir l'air d'un homme d'affaires sérieux. T'sais. Donc, tous les yeux sont sur les montres intelligentes en ce moment, nous dit TheVerge.com, mais il y a quand même de l'amour à donner aux montres traditionnelles. Sur le site Wrist, WRIST.IM, Wrist comme dans un poignet, le designer et développeur Matt Johnston recrée ses montres préférées en illustration sur le web. Donc, lui, il trouve que c'est une plateforme parfaite pour montrer le design parce que ça combine typographie, couleur et mouvement pour créer quelque chose de fonctionnel qu'on porte en tout temps sur son poignet. Donc, les illustrations de Johnston sont stylisées. Donc, c'est une interprétation et non pas exactement la montre en tant que telle, mais il essaie de rendre ça le plus beau possible. On peut pas pour l'instant interagir avec les boutons, les trucs sur la montre, les montres, mais par contre, les montres affichent l'heure et la date telles qu'elles sont dans le vrai présent. Johnston prévoit ajouter une nouvelle montre par 2 semaines. Certaines vont être des créations originales, d'autres des réinterprétations de montres déjà populaires. Il y a des illustrations qui viennent de d'autres personnes qui contribuent au site. Donc, ils ont présentement un total de 7 montres. Donc, allez voir wrist.im. Celui-là, ça fait quand même assez longtemps. C'est au début du mois de juillet, au début des vacances du Mathieu Plancheau. Mais c'était une façon de vivre sa vie un peu comme dans un jeu à la Grand Theft Auto. Donc, en utilisant Oculus VR, qui est de la réalité virtuelle, et des caméras GoPro, l'équipe de développement basée en Pologne, MEPI, M-E-P-I, a créé cette preuve de concept permet aux gens de voir leur vie en temps réel à partir d'une perspective à la troisième personne. Ça s'appelle Real World Third Person Perspective. C'est un prototype qui montre, dans le fond, qu'il y a une caméra sur un poteau derrière ta tête avec un bras imprimé en 3D. Tout ça est envoyé vers le casque Oculus Rift que tu portes sur tes yeux. Et tu te vois donc via les caméras qui sont en haut sur ton dos, en haut de ta tête, à la troisième personne, comme on fait dans un jeu à la Grand Theft Auto 5, disons. Donc, c'est un prototype, comme je l'ai dit, et ça utilise un stick analogue pour contrôler le mouvement de la caméra. Donc, quand tu marches, ça ne va pas nécessairement tout le temps pointer à la même place. Tu peux contrôler tout ça. Et l'équipement entre dans un sac à dos pour l'instant. Ça utilise un microcontrôleur Arduino et un laptop, un ordinateur portable avec un processeur Intel. Il y a des daticiels, donc vous allez pouvoir vous-même, si vous voulez, le fabriquer avec des plans d'impression en 3D via Tutorial Bay. Vous pouvez aussi voir le prototype en pleine action sur assemblagerequis.com. Maintenant, comment débarrer son ordinateur avec une clé physique? Normalement, on utilise des mots de passe, des trucs comme ça pour barrer nos ordinateurs, mais sur Instructables, l'utilisateur Thomas Kirkup a trouvé une façon d'utiliser une vraie clé physique comme celle qu'on utilise pour sa porte à la maison pour barrer et débarrer son PC. Donc, on a besoin d'un petit peu de connaissances électroniques pour faire ce projet-là. Il faut aussi investir dans une plaquette Arduino Leonardo Board et il faut une switch on-off opérée par clé qui fonctionne si on peut enlever à n'importe quel moment la clé dans n'importe quelle position. Parce qu'évidemment, il y a certaines serrures que quand tu es en train de barrer, tu peux pas retirer ta clé, il faut que tu reviennes à la position d'origine. Lui, il faut que tu achètes la switch qui te permet d'enlever la clé n'importe où parce qu'il faut débarrer et rebarrer et mettre sa clé dans sa poche. Bon. Donc, si on suit les instructions de Thomas, on va finir avec un Logic Switch qui va émuler, faire une émulation des touches Windows L, donc pour barrer l'ordinateur dans une position. Ça va faire comme si tu avais tapé Windows L. Et quand tu vas aller dans l'autre position, ça va entrer ton mot de passe de façon virtuelle. Hein? Donc, c'est super pas sécuritaire du tout. Évidemment, on peut gosser pareil comme dans une vraie poignée de porte pour débarrer ça. Mais bon, c'est juste pour le look de la chose. La façon de faire via Instructables sur assemblagerequis.com. Quelques blogs maintenant intéressants. J'ai trouvé thumbsandammo.blogspot.ca, thumbsandammo.blogspot.ca, où on remplace en gif animé les fusils dans des films et des séries télé par des pouces en l'air. Donc on voit, évidemment, ça dit, ces blogs-là manquent vraiment d'explications. Ça, ils mettent jamais le titre du film. Mais je reconnais Robocop. Là. Mais Robocop, donc, à la place de tirer avec son fusil, on le voit faire un pouce en l'air. Ça prend vraiment du talent Photoshop pour réussir à faire ça. Il y a des films de cowboys, des films d'action. Star Wars est là. The A-Team à la télé. Et un paquet d'autres choses. Le Joker. Tout ça sur thumbsandammo.blogspot.ca. Un autre Tumblr, l'autre, c'est pas un Tumblr, c'est un Blogspot, mais bon. Bref, celui-là est un Tumblr, c'est Slug Solos. Les musiciens qui vont faire des gros solos de guitare, c'est cool. Les solos de guitare, c'est cool. Mais si à la place, on jouait avec une sangsue, donc on remplace toutes les guitares par des sangsues derrière les mains des musiciens, c'est super bien fait. Et donc, c'est ça. C'est super simple, hein? C'est slugsolos.tumblr.com. Ah, celui-là, j'avais envie de vous le faire entendre, mais Caroline, on n'a pas tant de temps que ça en cette fin d'émission. Pas tant de temps que ça, mais je vais quand même juste vous faire entendre la première minute. Je m'étais dit que j'allais le faire jouer au complet, là. Mais en même temps, ça va être un petit peu difficile côté traduction pour moi. Ça s'appelle Just the Plot. Donc, si vous êtes déjà demandé de quoi auraient l'air les sitcoms les plus populaires de l'histoire de la télé, si on enlevait toutes les blagues et qu'on laissait que le scénario. Hein? Donc, c'est ce qu'un homme a fait en raccourcissant en dessous de 3 minutes les épisodes de Seinfeld, Friends, Big Bang Theory, tout en enlevant les blagues. Donc, on va écouter un petit peu le début de l'épisode de Junior Mint, qu'on connaît, évidemment, c'est Seinfeld. You met her at the supermarket. Tu l'as rencontré au supermarché? Quels sont? Je ne sais pas. Quand j'allais à l'école publique à Brooklyn, c'est bon, mon son de vol. Je voulais juste monter le son. L'intérêt s'est diminué à 1 900 $. Qu'est-ce que c'est? Des gants. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as acheté des gants à vaisselle. J'ai aucune maniabilité. Tu te souviens de Roy, l'artiste? Donc voilà, chacune des répliques est coupée de toutes ces blagues. Il n'y a pas de rire non plus entre, en tout cas le moins possible. C'est très bien fait. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Dépêchons-nous pour avancer le plus. Des jeux vidéo pour enfants réimaginés en tant que livre pour... des jeux vidéo pour adultes refaits en livre pour enfants. Par exemple, Tomb Raider devient Little Tomb Raider. T'as Assassin's Creed qui devient The Little Assassin. Et Solid Snake, la série, qui devient The Solid Little Snake. Des illustrations à la Norman Rockwell, un illustrateur populaire. Donc ici, c'est Joey Spioto et sa série Storytime. Il a aussi refait ça avec Breaking Bad, la série télé, Robocop, There Will Be Blood, etc. Tu peux acheter l'affiche de chacune de ces couvertures-là pour 35$ chaque ou 75$ encadré. Il y en a 50 en tout, donc il faut se dépêcher. Il y a une femme qui utilise une application, tu sais, des applications qui surveillent comment tu cours, comment tu marches. Donc c'est Claire Wyckoff qui utilise l'application Nike Plus pour courir en forme de différentes choses. Donc, elle court souvent en forme de pénis. Et elle utilise son Tumblr qui s'appelle Running Drawing. Donc, elle a fait plein d'autres choses. Une licorne, un doigt d'un majeur. Slimer dans Ghostbusters, un Space Invader. Donc, elle sait comment rendre son cardio amusant. J'avoue que ça peut te donner un bon objectif si t'as un blog et que tu sais que les gens se fient sur toi pour poster quelque chose de drôle. Tu vas vouloir courir dans une forme particulière. Et là, tu fais ton plan sur ton téléphone, tu cours de la bonne façon. C'est cool. Le site web de Microsoft en 1994 ressemblait énormément à une page GeoCities. Donc, le site de Microsoft est en ligne depuis 20 ans et la compagnie célèbre en recréant son look and feel d'origine. C'est un genre de throwback Thursday, si on veut, vers les modems à accès téléphonique avec les bip-boup-bip-boup, Windows 3.1 et AOL, etc. Donc, ils ont remis leur page en ligne. Ça s'appelle Microsoft Firehose, le lien sur assemblagewiki.com. Il y a aussi encore, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le site de Space Jam, le film, est toujours disponible de l'époque. Je crois que c'était 94 aussi. C'est chercher Space Jam Warner Brothers sur Google pour trouver le site. Compressor.io qui rapetisse vos images sans perdre de qualité. Donc, si vous voulez réduire vos grosseurs de photos, il y a des sites comme Twitter qui demandent une photo de moins de, je sais pas, 700K. Là. N'importe quoi. Là. Aucun rapport sur Internet, ça. Là. Donc, c'est Compressor.io. Vous pouvez aussi lui envoyer des PNG, des GIFs et des SVG. Vous téléverser le fichier de votre disque dur et l'application en quelques secondes va vous recracher une version compressée. Il va vous laisser comparer l'original avec la nouvelle, avec un petit preview pour que vous puissiez glisser d'un côté à l'autre pour voir vraiment la différence entre les deux, pour voir si c'est de la perte de qualité. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez télécharger la photo sur votre disque dur ouvert Dropbox ou Google Drive. Compressor.io. Rapidement, comment choisir un film ou une série télé au hasard sur Netflix? La sélection est de plus en plus énorme sur Netflix. Au Canada, un peu moins. Mais avec Netflix, vous roulette. Vous allez pouvoir choisir une émission de télé ou un film à streamer complètement au hasard. J'y vais en ce moment même. Je vais cliquer sur seulement les émissions de télévision. Côté entre 4 et 5 étoiles. Tiens, tu peux aussi mettre un nom de réalisateur, un nom d'acteur ou un mot-clé. Tu fais spin. Et ça me conseille de regarder Everest Beyond the Limit, un documentaire qui suit une expédition menée par Russell Bryce jusqu'au plus haut sommet du monde. Voilà. Donc, vous pouvez le regarder sur Netflix. Et quand vous cliquez sur Watch on Netflix, ça vous envoie directement vers la page de l'émission pour que ça commence à jouer. Si vous êtes déjà logué, il n'y a pas d'attente. Donc voilà, pour NetflixRoulette.net. NetflixRoulette.net. Assez simple à retenir. Nous, ben c'est déjà la fin du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours les lundis entre midi et 14h. On rappelle les mercredis à 17h pour le reste du mois d'août. Il nous reste seulement une semaine, c'est la semaine prochaine. Je vous retrouve aussi au Palmarès C'est fou et à Assemblage Requis les jeudis de 14h à 18h pour le reste du mois d'août. Consultez la programmation sur cifre.ca. Retrouvez tous les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook pour connaître le plan avant tout le monde. facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!